50 languages. 52. 52. 52. في المتجر. Dans le grand magasin. Dans le grand magasin. أنا أذهب إلى المتجر. Si nous allions dans le grand magasin. Si nous allions dans le grand magasin. علي أن أتبضع. علي أن أتسوق. Je dois faire des courses. Je dois faire des courses. أود شراء الكثير. Je veux acheter beaucoup de choses. Je veux acheter beaucoup de choses. أين هي اللوازم المكتبية؟ Où sont les articles de bureau? Où sont les articles de bureau? أحتاج إلى مغلفات وورق رسائل. J'ai besoin d'enveloppes et de papier à lettres. J'ai besoin d'enveloppes et de papier à lettres. أحتاج إلى أقلام ناشفة وأقلام تعليم. J'ai besoin de stylos et de feutres. J'ai besoin de stylos et de feutres. أين هي أمتعة البيت؟ أين هي أمتعة الأثاث؟ Où sont les meubles? Où sont les meubles? أحتاج إلى خزانة ألبسة وخزانة ذات أدراج. J'ai besoin d'une armoire et d'une commode. J'ai besoin d'une armoire et d'une commode. أحتاج إلى مكتب وخزانة ذات رفوف. J'ai besoin d'un bureau et d'une étagère. J'ai besoin d'un bureau et d'une étagère. أين هي الألعاب؟ Où sont les jouets? Où sont les jouets? أحتاج إلى دمية ودب من القماش. J'ai besoin d'une poupée et d'un ours en peluche. J'ai besoin d'une poupée et d'un ours en peluche. أحتاج إلى كرة قدم وشطرنج. J'ai besoin d'un ballon de foot et d'un jeu d'échecs. J'ai besoin d'un ballon de foot et d'un jeu d'échecs. أين هي العدة؟ Où sont les outils? Où sont les outils? أحتاج إلى شاكوش وكماشة. J'ai besoin d'un marteau et d'une pince. J'ai besoin d'un marteau et d'une pince. أحتاج إلى مثقاب وإلى مفك براغي. J'ai besoin d'une perceuse et d'un tournevis. J'ai besoin d'une perceuse et d'un tournevis. أين هي المجوهرات؟ Où sont les bijoux? Où sont les bijoux? أحتاج إلى سلسلة وإلى سوار. J'ai besoin d'une chaîne et d'un bracelet. J'ai besoin d'une chaîne et d'un bracelet. أحتاج إلى خاتم وإلى أقراط. J'ai besoin d'une bague et de boucles d'oreilles. J'ai besoin d'une bague et des boucles d'oreilles.